طيب بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 49 dans la lecture du livre du Cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymeen sur la Aqida de Ahlus Sunnati wal Jama'a et son explication. On est arrivé au point où, juste un instant, ouais. Parce que j'ai le livre, le texte de base du livre avec la traduction, donc ça c'est le livre, la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc on est rendu là, nous. On avait expliqué l'irada al-kawniya wa al-shara'iya et au dernier cours on expliquait qu'est-ce qui avait rapport avec la volonté, la sagesse. Wa man alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin. Alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin. Oui, c'est ça. Donc il dit ici ensuite le Cheikh Sawa un alimna. Donc on va reculer un peu pour voir le contexte de qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer. Wa nu'minu bi anna muradahu al-kawni wa al-shar'i tabi'un li hikmatihi. Tabi'un li hikmatihi. Fa kullu ma qadahu kawnan aw ta'abbada bihi khalqahu shar'an fa innahu li hikmah. وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقصرت عقولنا عن ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc dans la traduction, ils ont traduit de la façon suivante: et nous croyons que la volonté, que sa volonté dans la création, tout comme sa volonté dans la révélation, procède de sa sagesse. Par conséquent, tout ce qu'il décrète et tous les actes par lesquels ses serviteurs l'adorent conformément à sa loi découlent de sa sagesse. Que nous comprenions cette sagesse ou bien qu'elle échappe à nos esprits limités. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Hein? Mais quel jugement est meilleur que celui d'Allah? Hein? Ou quel jugement est meilleur que celui qu'Allah rend envers les hommes vraiment croyants? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Donc c'est à peu près le sens de, c'est-à-dire c'est le sens de qu'est-ce que le Cheikh il explique. Donc il dit: peu importe que nous sachions la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ou a jugé d'une chose, que ce soit dans sa volonté qui est reliée à sa révélation ou la volonté qui est reliée à la création et à la prédestination, que nous sachions la sagesse qui est derrière ce qu'il a décrété ou que nous ne soyons pas capables de le comprendre avec notre intelligence limitée ou avec notre esprit limité, eh bien, il faut être convaincu que tout ce que Allah a fait, c'est pour une sagesse, c'est pour une raison, hein, une raison qui est bonne et qui est sage et qui est parfaite. Et il mentionne les deux versets, le verset 8 dans sourate At-Tin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Et le verset 50 dans sourate Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour des gens qui ont la conviction? Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il va expliquer maintenant ces points-là. Il dit: wa qawluhu sawa'un 'alimna minha ma na'lam aw taqasarat 'uquluna 'an dhalik fa innahu li hikmatin. Thumma istadalla al-mu'allif lidhalika biqawlihi ta'ala: alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala. وبقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي، ولا أحد ولا أحد أحكم من الله عز وجل. قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره الله فهو لحكمة عظيمة وإن أدركتها فذاك وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها وهو الله عز وجل والله أعلم. Donc le cheikh il dit que nous sachions la sagesse pour laquelle Allah a jugé d'une chose ou que nous ne le sachions pas ou que nous ne soyons pas capables avec notre raison limitée de le comprendre, eh bien il faut savoir que il y a une sagesse derrière les jugements d'Allah et les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que l'auteur, en parlant de lui-même, parce que c'est lui qui explique son propre livre, donc il dit l'auteur a utilisé comme preuve les versets 8 dans Surat At-Tin qu'on a lu et les versets 50 dans Surat Al-Ma'idah. Et le premier, Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Et le deuxième, et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour un peuple qui est convaincu, qui a la certitude? Et man, hein, c'est une façon de poser la question. Et dans le contexte ici, c'est dans le but de nier. Hein, qui est meilleur qu'Allah en jugement? Personne. Hein, donc ça veut dire que Allah, il pose cette question-là pour nier, hein, qu'il y ait quiconque ou quoi que ce soit qui soit meilleur juge que Allah. Et il dit, c'est-à-dire donc que personne n'est meilleur que Allah en jugement. Peu importe que ce soit un jugement relié à la création et à la prédestination, ou que ce soit un jugement relié à sa révélation et à sa législation. Donc dans les deux cas, Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur juge. Et personne n'est meilleur juge que lui. C'est pour ça que, en même temps, c'est pas possible pour un croyant d'être satisfait d'un jugement ou d'une loi faite par autre que Allah, hein, et qui est en contradiction avec ce qu'Allah a jugé. Hein, c'est pas possible. Et donc le croyant, il sait qu'il n'y a pas un meilleur juge que Allah. Il n'y a pas un meilleur législateur que Allah. Donc le croyant, il est satisfait de tout ce qui vient d'Allah comme jugement. Et il dit donc que personne n'est meilleur juge que Allah. Et il dit ensuite Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Donc Allah, il n'y a personne qui est meilleur que lui en jugement. Si tu sais ça, tu sais que Allah est le meilleur des juges, et tu sais que ce que Allah a prédestiné, il l'a uniquement prédestiné pour une sagesse immense, hein? Si tu arrives à comprendre cette sagesse-là, tant mieux, alhamdoulillah. Mais si tu n'arrives pas à la comprendre, mais soumets-toi à l'ordre, hein? Et remets cet ordre à celui qui la connaît, c'est-à-dire à celui qui le connaît, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas pas dire parce que tu comprends pas une sagesse dans un jugement d'Allah, que ce soit un jugement dans la charia, hein, une règle dans la religion que tu comprends pas, ou un jugement d'Allah dans la création, quelque chose qu'il a prédestiné, hein, quelque chose qu'il a décrété que ça allait se produire et ça s'est produit, et toi tu le comprends pas, tu arrives pas à comprendre pourquoi cette chose-là s'est produite. Eh bien, si tu arrives à comprendre la sagesse, tant mieux. Alhamdulillah, remercie Allah. Mais si tu n'arrives pas à la saisir, cette sagesse, eh bien, soumets-toi au jugement d'Allah et accepte que ce jugement-là vient d'Allah. Hein? Et tu t'en remets à lui, puisque tu sais que lui, il sait la sagesse. Et il sait la raison pour laquelle il a décrété, il a jugé cette chose-là. Peu importe qu'est-ce que ça peut être, comme on a expliqué au dernier cours, il peut y arriver des fois des catastrophes, des choses qui se passent dans le monde, hein, et des gens se posent des questions, mais pourquoi ces choses-là se produisent, pourquoi il y a eu ça, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a voulu que ça se produise, c'est parce qu'il y avait une sagesse derrière. Peut-être que toi tu n'arrives pas à la comprendre, cette sagesse-là, mais sois certain que c'est pour une bonne raison et qu'il y a une grande sagesse derrière cette chose-là. Et le cheikh il dit ensuite fa'ida. فائدة في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين تقول في الصلاة سبحانك فبلى أو في غير الصلاة لأن الله يستفهم منك يستفهم منك أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول بلى فيقول أليس الله بكاف عبده ويقول أليس الله بعزيز ذي انتقام وما أشبه ذلك فتقول بلى. Donc le cheikh il mentionne un point ici qui est intéressant, qui est bénéfique. Il dit que lorsque tu es dans la salat et que tu entends un verset comme ça, Alayhi sallahu bi ahkamil hakimin, Alayhi sallahu bi kafin abdah, hein? Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Alayhi sallahu bi azizin dhintiqam, Allah n'est-il pas le tout-puissant, celui qui détient la vengeance? Hein? Et donc la réponse du croyant à ce moment-là, il doit dire bala. Certes, oui. Hein? Oui, dans la prière. À voix basse. Pas à haute voix. À voix basse. Et il dit que ce soit dans la salat ou en dehors de la salat, tu dis ça. Tu dis bala. À voix basse. À voix basse. Dans la salat ou en dehors de la salat, si tu entends un verset et que tu entends dire. Que Allah il dit alayhi sallahu bi kafin abda alayhi sallahu bi ahkamil hakimin, et bien tu dis ça. Par exemple dans surat al-qiyama à la fin, alayhi sallahu bi thumma faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-unth alayhi dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mawta. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mawta, hein, celui-là n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Tu dis bala. Bala subhanaka bala. Hein? Donc ça c'est une faïda que le cheikh il mentionne en passant. Il dit ici ensuite fa in qala qa'ilun ba'd an-nas yazidu fa yaqulu bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin. Fal-jawab laysa bilazim. Donc certaines personnes ils rajoutent à ça, ils disent bala puis après ils disent wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin, et nous sommes témoins de cela. Et le cheikh dit non, c'est pas nécessaire de rajouter ça, tu peux juste dire bala, ça suffit. Bala c'est une réponse à l'affirmative lorsque on pose une question interrogative dans le sens de la négation. Par exemple tu dis par exemple Alesta, par exemple, t'es médecin. Si je te dis Alesta tabiban, est-ce que t'es pas un médecin? Tu dis bala. Tu dis pas la. Tu dis pas na'am. Tu dis bala. D'accord. Le cheikh il dit ensuite: Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa hum yuhibbunahu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Donc le cheikh il dit, et nous croyons que Allah aime ses serviteurs rapprochés, hein, et eux l'aiment aussi. C'est-à-dire Allah aime ses serviteurs rapprochés et eux ils l'aiment aussi, ils aiment Allah. La preuve de ça c'est dans le verset 31 dans surat Al-Imran, et il y a beaucoup d'autres preuves de ça, mais il a cité ce verset-là comme exemple. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Dit, si vous aimez réellement Allah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire ça, hein, dit au Muhammad, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, hein, et Allah va vous aimer. Donc le cheikh il dit ensuite, il explique ce point-là, il dit, وَقَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه فالمحبة متبادلة ودليل ذلك قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ففي هذه الآية إثبات المحبة لله تعالى وإثبات المحبة منه فإثبات المحبة لله بقوله تعالى إن كنتم تحبون الله وإثبات المحبة منه لقوله تعالى يحببكم الله وهذه الآية يسميها السلف آية المحنة أي الامتحان لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله فأنزل الله ذلك وجعل هذا هو الميزان فإن كانوا صادقين في محبتهم لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الجزاء أعظم مما يدعون فهم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحبهم وهذا هو الشأن العظيم والمقصود الأعظم وهو أن يحبك الله فليس الشأن أن تحب الله فإنك قد تقصد وقد لا تقصد قد تصدق وقد لا تصدق ولكن الشأن كله أن يحبك الله وإذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه دونك الشيخ الزي que Allah subhanahu wa ta'ala, donc le cheikh il dit que nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala il aime ses serviteurs qui sont rapprochés, qui sont pieux et eux aiment Allah subhanahu wa ta'ala et donc il dit nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala il est aimé hein, yuhib, lui il aime et il est aimé également donc il est aimé de ses serviteurs pieux hein, et ses serviteurs pieux l'aiment également. Et donc, l'amour, elle est réciproque. L'amour d'Allah, de la part d'Allah pour ses serviteurs, et de la part des serviteurs pour Allah. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 31 qu'on a cité tout à l'heure, et il y a d'autres versets, comme je disais, qui établissent ce point-là. Il dit, dans ce verset, il y a l'affirmation de l'amour d'Allah, et que Allah aime. Et donc, on affirme que Allah a cet attribut, que Allah a l'attribut d'aimer. Et il dit, si vous aimez Allah, donc, yani, l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala, ses serviteurs l'aiment, et l'affirmation que Allah aime ses serviteurs dans le verset, wa yuhibbukum Allah, Allah va vous aimer. Ce verset-là, il a été nommé par les salafs, par les sahaba et les pieux prédécesseurs, comme étant le verset du test et de l'épreuve. C'est comme le verset de l'examen. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que des gens avaient prétendu qu'ils aimaient Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là pour établir un critère et une référence pour déterminer qui sont véridiques. Qui sont véridiques dans leur amour et dans leur prétention d'aimer Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc mis comme condition pour établir la sincérité et la véracité de la personne qui prétend aimer Allah, est-ce qu'ils suivent mon messager, oui ou non? Hein? Et donc, c'est pour dire que s'ils suivent le messager, hein, s'ils ne suivent pas le messager, donc leur prétention est mensongère et fausse. Et s'ils suivent réellement le messager, alors dans ce cas-là, ils auront une récompense plus grande que ce qu'ils ont prétendu. C'est-à-dire que eux, ils ont prétendu aimer Allah, et ça c'est un grand honneur pour eux d'aimer Allah. Et la récompense pour avoir suivi le messager, hein, c'est que Allah en retour va les aimer. Et le cheikh il dit que ça c'est encore plus important et plus grand comme objectif et comme but. C'est-à-dire que Allah t'aime. Parce que l'important, c'est sûr que d'aimer Allah c'est important. Mais c'est pas ça le plus important. Puisque toi tu peux dire oui, moi j'aime Allah, mais ça veut pas dire que Allah t'aime. Hein? Et donc le plus important c'est d'être capable de savoir que Allah nous aime en retour. Hein? Et donc, le cheikh il dit, peut-être que tu vas dire que tu aimes Allah, mais peut-être que tu dis la vérité ou peut-être que tu ne dis pas la vérité. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est pas vrai. Toutefois, la chose la plus importante, c'est que Allah, lui, il t'aime. Et donc, si Allah t'aime, le résultat, c'est quoi? Eh bien, il dit, lorsque Allah t'aime, il appelle Jibril, son ange, Jibril. Et il lui dit, « Oh Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. » Hein? Alors Jibril va l'aimer. Et Jibril va appeler tous les habitants du ciel, c'est-à-dire les autres anges. Et il va dire aux autres habitants du ciel, « Allah aime un tel, alors aimez-le. » Alors, il va être aimé de tous les habitants du ciel. Puis ensuite, on va lui donner l'acceptation sur terre. Et donc, tous les êtres sur terre vont l'aimer et vont l'accepter comme résultat de ça. Hein? Et les gens, des fois, ils aiment des personnes, ils ne savent même pas pourquoi. Hein? Wa alaykoum salam, Ali, ça va? Alhamdulillah. Donc, parfois, vous allez constater ça. Une personne, les gens instinctivement, ils ressentent un bon sentiment par rapport à une personne. Et ils ont envers lui l'acceptation et ils l'aiment. Ils ne savent même pas pourquoi. C'est un sentiment qu'ils ont en eux-mêmes parce que Allah, il a mis l'amour de cette personne dans leur cœur. C'est quelque chose qu'ils ne contrôlent même pas. Et donc le cheikh il dit والظاهر انه للمؤمنين الذين يحبون الله واقول هذا لان الكفار يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك وهو احب الناس الى الله فيما نعلم فالظاهر ان العبره بمحبه المؤمنين وقد يقال ان قوله يوضع له القبول اعم من المحبه وهذا ايضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يقبلونه فالظاهر أن المراد بذلك أولياء الله يعني الذين يحبون الله يحبون هذا وهل هذه المحبة محبة حقيقية أم هي مجاز عن الإثابة الجواب محبة حقيقية وليست مجازا عن الإثابة لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر بل الإثابة دليل المحبة لأن الله تعالى لا يثيب أحدا إلا حيث يحبه. Donc le cheikh il explique ensuite que qu'est-ce qui est apparent ici, c'est que c'est pour les croyants, cet amour que Allah met dans le cœur, hein? C'est en particulier chez les croyants parce que c'est eux qui aiment Allah. Et donc il dit ça pourquoi? Parce que les koufars détestaient par exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est la personne la plus aimée d'Allah, hein? Et donc il semblerait que ce soit cet amour spécial, spécifique pour les mu'minin, c'est-à-dire qu'il met l'amour de la personne, hein, que Allah aime, il met l'amour dans le cœur des gens qui sont croyants. Il met l'amour de cette personne dans le cœur des gens qui sont croyants. Et on pourrait dire par exemple que lorsqu'il dit on va lui donner l'acceptation, le kaboul, et que ça c'est plus général que l'amour. Hein? Et donc il dit oui, mais on pourrait dire malgré tout que même parmi les koufars, certains n'ont pas accepté de croire au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est pour ça que le cheikh, lui, il préfère dire que ça, c'est quelque chose qui est spécifique aux croyants. Cet amour qu'il met dans le cœur pour quelqu'un, c'est spécifique aux croyants. Et il dit, est-ce qu'il s'agit d'un amour réel, l'amour d'Allah, est-ce qu'il s'agit d'un amour réel, ou bien c'est symbolique pour désigner la récompense que Allah donne? Et le cheikh, il dit, non, c'est un amour réel. C'est pas quelque chose de symbolique pour désigner ou pour représenter la récompense. Il dit que la récompense est plutôt le résultat de l'amour et une preuve de l'amour même. Il dit parce que Allah ne récompense personne excepté lorsqu'il l'aime, hein, ou bien s'il l'aime. Et il dit ensuite وَقَدْ انْقَسَمَ النَّاسُ فِي الْمَحَبَّةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قسم قال الله إن الله يحب ويحب انقسم الناس في المحبة يعني في صفة المحبة إلى ثلاثة أقسام قسم قال إن الله يحب ويحب وقسم بالعكس قالوا إن الله لا يحب ولا يحب وقسم قالوا إن الله يحب ولا إن الله يحب ولا يحب يحب ولا يحب إذ فالأقوال إذن ثلاثة والقسمة العقلية تقتضي رابعا وهو أن الله يحب ولا يحب ولكن لا أعلم قائلا بهذا فالقول المتعين بلا شك هو أن الله يحب ويحب كما في هذه الآية التي والآيات التي بعدها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببا لها وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وكلما كان الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كانت محبة الله له أعظم ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا يعني لذة عظيمة يعني وأنسا بالله وفرحا به ونورا في القلب ونورا في الوجه لا يماثله شيء. Donc le cheikh il dit, les gens se sont divisés par rapport à l'attribut d'Allah, de l'amour que Allah il aime. Ils se sont divisés par rapport à cet attribut en trois catégories. Une catégorie, et c'est les gens de la sunna qui ont dit Allah il aime et il est aimé. Et un autre groupe qui ont dit le contraire, qu'il n'aime pas et qu'il n'est pas aimé. Je ne sais pas qui en dit ça, mais c'est terrible comme parole. Et une autre catégorie qui ont dit, il est aimé, mais il n'aime pas. Parce que parmi les gens de Bid'a, il y en a qui veulent nier les attributs d'Allah et qui refusent de les affirmer, même quand elles sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, en se basant sur des principes soi-disant rationnels qu'ils ont pris des philosophes grecs. Donc quand ils lisent le Coran, ils analysent les versets qui parlent d'Allah et de ses attributs et de ses noms en se basant sur la philosophie grecque et sur qu'est-ce que Platon et Aristote et d'autres philosophes grecs ont inventé. Au lieu de se référer à ce que Allah a dit et de se limiter à ça, eux, ils veulent rentrer la philosophie là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'au lieu d'affirmer les attributs d'Allah, ils les nient. Ils cherchent à les nier ou à les déformer. Et donc, le cheikh, il dit, ça c'est les trois catégories en question. Il dit, ça c'est les trois positions. Il dit, si on se basait sur la division rationnelle, on pourrait rajouter une quatrième, c'est-à-dire que Allah aime, mais qu'il n'est pas aimé, mais il dit, je connais personne qui dit ça. Donc il dit, la position qui est la plus correcte, et celle qui, sur laquelle il n'y a pas de doute, c'est la position qui est établie par Ahlus Sunnati wal Jama'a et qui est confirmée par les textes de la révélation, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il est aimé aussi. Et c'est prouvé par les versets qu'on a lus, le verset de قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ dit au Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Et l'autre verset que le Cheikh il a cité, le verset 54 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, quiconque apostasie parmi vous de sa religion, alors Allah fera venir un peuple qui aime Allah et que Allah aime. Yuhibbuhum, Allah les aime, wa yuhibbunahu, et eux, ils aiment Allah. » Donc c'est la preuve que Allah, il a l'attribut de l'amour et qu'il aime ses serviteurs et que Il est aimé également. Et il dit, je ne connais personne qui a goûté à l'amour d'Allah excepté que il dit que personne ne va goûter à la douceur de l'amour d'Allah excepté s'il fait ce qui est une cause pour l'obtenir. Tu ne vas pas goûter à l'amour d'Allah sauf si tu fais les causes nécessaires pour obtenir cet amour de la part d'Allah. Et la cause en question, c'est de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux que Allah t'aime, suis le messager d'Allah, suis son exemple. Et c'est son exemple dans tous les aspects de la vie, dans tous les aspects de la religion, dans la croyance, dans les pratiques, dans les adorations, hein, dans les actes du cœur, dans les actes du corps, dans les actes de la langue, dans tout, pas seulement dans un aspect ou deux, mais dans toute la religion au complet. Et le cheikh, il dit ensuite que plus une personne est fort dans son suivi du messager, plus une personne est attachée au fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, plus l'amour d'Allah sera grand, hein? L'amour d'Allah pour lui sera plus grand. Ça veut dire que Allah, il n'aime pas tous les serviteurs du même degré ou de la même force. Certaines personnes, Allah les aime plus que d'autres, hein? De même qu'il déteste certaines parmi ses créatures, hein, comme les kuffars et les mushrikines et les gens de l'égarement. Allah, il mentionne dans le Coran qu'il les déteste, hein? Et il mentionne aussi que certaines personnes, il est en colère contre eux, contre elles, quand elles désobéissent à Allah ou quand elles font le shirk. Et dans chaque prière qu'on fait dans la Fatiha, on dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم, الغضب en arabe ça veut dire la colère, hein? D'être fâché, d'être en colère. Et المغضوب c'est la forme, c'est la forme objective de الغضب. المغضوب c'est celui qui reçoit la colère ou qui subit la colère, hein? Maf'oul, ala wazni maf'oul. Hein? Donc, al-maf'oul, c'est lui qui subit. Et, celui qui est le sujet dans cette phrase, c'est Allah, parce que c'est Allah qui est en colère contre eux. Na'am, maf'oul. Maf'oul bihi, maf'oul. C'est ça que ça veut dire. Na'am. Donc, al-maghdoub, c'est celui qui, contre qui on est en colère. Donc, c'est la preuve que Allah, il est en colère. Et wa alayhim ghadabun min Allah. Il y a beaucoup de versets dans ce sens-là aussi. Et le cheikh il dit inna Allah la yuhibbu al-qawm al-kafirin, inna Allah la yuhibbu al-qawm al-fasiqin, wallahu la yuhibbu al-qawm al-fasiqin, wallahu la yuhibbu. Beaucoup de versets dans lesquels Allah dit Allah n'aime pas les peuples pervers, Allah n'aime pas les peuples mécréants, Allah n'aime pas les, hein, et ainsi de suite. Donc ça aussi, ça fait partie des attributs d'Allah. Il ne faut pas juste prendre une attribut puis laisser les autres, comme les chrétiens par exemple. Ils ont pris une seule attribut d'Allah, ils ont oublié toutes les autres. Ils disent Dieu est amour, et puis c'est fini. Hein? Et quand tu marches dans la rue, les chrétiens, ils sont là-bas avec leurs pamphlets, leurs feuilles, et ils disent Dieu, Jésus t'aime, Dieu t'aime. Ils mélangent Dieu et Jésus. Hein? Ils pensent que Jésus c'est Dieu. Puis en plus, ils disent « Dieu t'aime » ou « Jésus t'aime ». Ils ne savent même pas si Dieu les aime réellement. Comment ils peuvent savoir que Dieu les aime? D'un côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers toutes ses créatures. Même les kuffars, il leur fait miséricorde. Hein? Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné une fois, il a vu un enfant qui pleurait, un bébé qui pleurait. Et puis il y a une dame qui a trouvé cet enfant-là, parce que l'enfant, je pense qu'il était perdu, il avait perdu sa mère. Et une dame qui l'a vu, cet enfant en train de pleurer, et quand elle l'a vu, elle l'a attrapé, puis tout de suite elle l'a mis à son sein pour lui donner à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pensez-vous que cette femme, elle pourrait jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit, non, jamais. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux envers ses créatures que cette femme-là envers son enfant. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est grande. Et donc, il faut juste comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'amour de ses créatures, mais en même temps, il aime certains plus que d'autres. Hein? Il aime les croyants, mais certains croyants, ils les aiment plus. Pourquoi? Parce qu'ils suivent plus le messager que d'autres. Oui, on a parlé de ce hadith-là l'autre jour. Oui, on a expliqué ce hadith-là. Le hadith qui dit « Man ada li waliyan faqad aventuhu bil harb » وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فإذا يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. Donc tu te rappelles, on a parlé de ce hadith dans le livre de Al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. On a parlé de ce hadith là dans plusieurs cours même. Et donc le hadith, il dit celui qui fait du tort à mon serviteur ou qui est contre mon serviteur, je lui déclare la guerre. Il dit que mon serviteur ne peut pas se rapprocher de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné de faire. Et le serviteur, il continuera à se rapprocher de moi par le fait de faire des actes surérogatoires et des nawafil jusqu'à ce que moi je l'aime. Et une fois que je l'aurai aimé, eh bien, jusqu'à la fin du hadith. Donc, tout ça, c'est pour indiquer que les serviteurs d'Allah, oui, c'est vrai, il y a des degrés. Et il dit, wa mahabbatu Allahi yani yajidu al-insan. Donc, il dit, l'amour d'Allah, l'homme, il retrouve dans l'amour d'Allah une grande saveur, une grande douceur. Il y a une douceur là-dedans. Hein? Il y a une douceur qui ne peut être comparée à aucun autre des plaisirs ou des douceurs de cette vie. Hein, c'est une saveur immense. Hein, et une joie immense. Et une lumière dans le cœur et une lumière dans le visage qui est comparable à rien d'autre. Donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien de comparable à ça parmi les plaisirs de la dunya. Et il dit, واما الذين قالوا ان الله لا يحب ولا يحب يعني شبها عليهم وقالوا ان المحبه لا تكون الا بين نظرين كالرجل والمراه والرجل والرجل والمراه والمراه ولا تكون بين شيئين مختلفين فلا محبه بين الانسان والجمل واذا كان هذا في المخلوقات فالمباينه في امتناعه في الخالق من باب أولى لأن الخالق عز وجل مباين للمخلوق أعظم مباينة فلا يمكن أن الله يحب ولا أن يحب وهذه شبهتهم وهذه الشبهة هي منقوضة أولا بالنص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله والقياسات العقلية إذا عرضتها النصوص الشرعية كانت باطلة ولهذا قالوا لا قياس مع النص والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار ثانيا ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ بل قد تكون المحبة بين شيئين بينهما أعظم التباين فمثلا المحبة بين الإنس وبعيره الذي يركبه ثابتة واسأل الجمالين حتى إن الجمل يعرف صاحبه بين الرجال ولا يجلس إلا عنده وإذا دعت الحاجة إلى قربه منه ففي أيام الشتاء يقول الجمالون إذا نزلنا وأضرمنا النار دنت الجمال منا وكل جمل يأوي إلى صاحبه ويجلس إلى جنبه بل إن الإنسان قد يحب جمادا فقد يكون اعتاد أن يكتب بقلم معين فتكون كتابته به واضحة وجميلة فتجده يحب هذا القلم دون الآخر الذي لم يعتد عليه أو له سيارة يألفها قد بورك له فيها فيحبها أكثر إذن فمحبة الله تعالى تتعلق بالأشخاص كالمتقين والمحسنين وما أشبه ذلك وتتعلق بالأعمال كحديث ابن عباس رضي الله عنه أي العمل أحب إلى الله وتتعلق أيضا بالأماكن فإن أحب البقاع إلى الله مساجدها وكل ذلك حق على حقيقته. Donc le cheikh il dit, il y a d'autres, donc ceux qui ont dit par exemple que Allah il n'est pas aimé et qu'il n'aime pas, hein, ils ont une ambiguïté qui les ont confus, qui les ont mélangés dans la religion, c'est-à-dire qu'ils ont dit que l'amour ne peut exister qu'entre deux choses qui sont proches ou pareilles ou comparables, comme entre un homme peut aimer une femme, un homme peut aimer un autre homme, ou une femme peut aimer une autre femme, dans le sens, yani, comme par exemple, une fille peut aimer sa mère, hein, un homme peut aimer son père, un père peut aimer son fils, et ainsi de suite. Un homme peut aimer sa femme, une femme peut aimer une femme peut aimer son mari. Donc ça, c'est des choses qui sont semblables des êtres humains, ça c'est correct. Mais ils disent que deux choses différentes, il peut pas y avoir d'amour entre les deux, comme par exemple entre un être humain et un animal. Ou des choses de ce genre. Et donc, si c'est le cas que des créatures différentes ne peuvent pas s'aimer, donc, entre le créateur et la créature, c'est encore plus grand la différence, donc, il ne peut pas y avoir d'amour entre le créateur et la créature. Et on ne peut pas donc aimer Allah et Allah ne peut pas nous aimer. Et ça, c'est leur ambiguïté, c'est ça la raison pourquoi ils disent ça. Et le cheikh il dit que ça c'est complètement faux. Et c'est détruit, cet argument est complètement détruit facilement. Premièrement parce que les textes du Coran sont clairs et explicites sur le fait que Allah aime, et ça c'est affirmé, que Allah aime et qu'il est aimé de ses créatures. Et donc si quelqu'un ramène des analogies rationnelles pour essayer de contredire les textes de la révélation, ça, à la base, ça veut dire que c'est déjà faux, en partant. Et donc, il n'y a pas d'analogie possible une fois que le texte est clair et explicite. Donc, les ulama, ils ont une règle. Ils disent, la qiyas ma'annas. Quand il y a un texte du Coran et de la Sunna qui est authentique et explicite, tu peux plus faire d'analogie ou de jugement ou d'utiliser ta propre logique pour essayer de juger dans cette question-là. L'affaire est déjà tranchée. Et le deuxième point, c'est que l'idée que de dire que c'est seulement l'amour peut seulement exister entre deux espèces pareilles, ils disent ça c'est erroné également, puisque c'est bien possible qu'il y ait de l'amour entre deux choses qui sont différentes. Et il dit par exemple, quelqu'un, il a un âne par exemple, ou un animal, il peut l'aimer, un chameau. Il dit, tu vois par exemple, les gens qui ont des troupeaux de chameaux, hein, ils ont des chameaux. Eh ben, les chameaux qui appartiennent à leur propriétaire, parfois, elles le reconnaissent même. Hein, ceux qui ont des chameaux, quand ils vont s'asseoir, ils vont s'asseoir à côté de leur maître, hein, parce qu'ils le reconnaissent. Et ils aiment être proches de leur maître. Il dit quand c'est l'hiver, par exemple, les jours de l'hiver, et qu'ils s'assoient autour d'un feu, il dit les chameaux se rapprochent de nous. Ils disent les chameaux viennent et ils s'assoient, ils se rapprochent de nous, et chaque chameau vient s'asseoir à côté de son compagnon. Hein, ou de son maître. Donc c'est pour dire que même les animaux, ils reconnaissent leur maître et ils aiment leur maître. Hein, et les êtres humains, parfois, ils peuvent aimer certains animaux. Combien de gens, par exemple, ils aiment des animaux domestiques qu'ils ont et ils les aiment. Hein. Et le cheikh, il dit même des objets inertes ou des choses inertes que des gens aiment. Il dit parfois, tu as un stylo, tu l'aimes. Parce que tu écris bien avec une plume, elle écrit bien, tu la préfères aux autres plumes, hein, et des choses de ce genre. Ou bien même ta voiture, par exemple, tu as une voiture, hein, et Allah il a mis dans cette voiture une baraka, donc toi tu la préfères et tu l'aimes beaucoup, donc ça y a pas de mal, hein, et ça c'est pas quelque chose d'impossible. Mais c'est normal qu'il y ait différentes catégories d'amour aussi, différentes sortes d'amour. L'amour entre un homme et sa femme, la femme et son mari, ça c'est une catégorie. L'amour entre un père et son fils, hein, une mère et sa fille, ou une mère et son fils, ça c'est une autre catégorie d'amour. Hein. Et l'amour entre deux amis, hein, un frère qui aime son frère, hein, une sœur qui aime sa sœur, et ainsi de suite. Ça, c'est un autre amour aussi. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et l'amour d'une créature envers son créateur, et l'amour de du créateur envers sa créature, hein, ça, c'est une autre catégorie d'amour aussi. Hein. Et l'amour d'Allah, il n'est pas comparable à l'amour des créatures. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Donc, le cheikh il dit l'amour d'Allah, hein, il est relié soit aux personnes, comme lorsqu'il dit par exemple وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah aime les pieux, hein, ceux qui s'écartent de ceux qui se préservent de son châtiment en faisant les bonnes œuvres et en s'écartant des péchés, ceux qui font preuve de bienveillance et qui l'adorent avec excellence, Allah les aime. De même que l'amour d'Allah est relié aussi aux actes qu'on fait. Allah aime certains de nos actes, Allah les aime. Et d'autres, si on fait des péchés, il n'aime pas les actes qu'on fait quand on fait des péchés. Et certaines de nos bonnes œuvres, il les aime plus que d'autres. Et c'est pour ça que dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte, lorsqu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle de nos œuvres est plus aimée d'Allah ? C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime certaines de nos œuvres. Hein? De même qu'il aime aussi certains endroits ou certains lieux plus que d'autres. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les lieux les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Hein? Le hadith qui dit khayrul biqa' ila Allah al-masajid. Les meilleurs lieux pour Allah, c'est les mosquées. Wa sharrul biqa' ila Allah al-aswaq. Les marchés. Na'am. Donc il dit kullu dhalika haqqun ala haqiqatihi. Tout ça c'est réel, tout ça c'est vrai et c'est réel. Il dit fal hasilu anna shubhatahum allati i'tallu biha شبهة يكذبها الواقع. Donc leur argument, leur ambiguïté et l'argument, hein, ou le semblant d'argument qu'ils utilisent pour justifier leur point de vue, il est, hein, contraire à la réalité même. Il est démenti par la réalité. Et le cheikh il dit ensuite إن الذين أما الذين وأما الذين قالوا إن الله لا يحب لكنه يحب فإنهم قالوا إن محبة الإنسان لله لا تنكر ولا يمكن لأحد أن ينكرها لأنه أمر فطري غريزي ولكن محبة الله للعبد هي المنكرة لأن المحبة فيها رخاوة وفيها شيء من الليونة فالرب عز وجل منزه عن ذلك لأن الله لا يحب وكل آية أو حديث يأتي فيها أن الله يحب فالمراد به الإثابة أو إرادة الثواب وهؤلاء هم الأشاعرة وقولهم باطل لأننا نقول إن الله أثبت في القرآن وكذلك السنة أثبتت أن الله تعالى يحب ومعلوم أنه لا قياس ولا نظر مع وجود النص ومحبة الله للعبد أثرها ظاهر إذ يجد الإنسان أن الله يشرح صدره للإسلام وينور قلبه ويحب العبد الطاعة يحب العبد الطاعة وهذا يدل على محبة الله له وأنه عز وجل اعتنى به فالصواب إذن أن المحبة ثابتة من الجانبين ثابتة من الله للعبد ومن العبد لله والسبب الوحيد لكون الله تعالى يحبك هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Donc le cheikh il dit, il y a l'autre catégorie dont on a parlé qui disent que Allah il est aimé mais il n'aime pas. Il dit ces gens-là, ils disent oui, on peut pas renier que Allah est aimé de ses créatures. parce que c'est une chose qui fait partie de la nature même de l'homme. C'est quelque chose qui est dans sa nature et dans son âme. Hein? Allah, il est aimé de ses serviteurs. Il dit, ce que nous nions, ou ce qui est à renier, c'est le fait que Allah aime ses serviteurs. Et il dit, ça c'est pas correct de dire ça, parce que dans l'amour, il y a quelque chose de la douceur, hein, et de la gentillesse, de la douceur. Et il dit que le Seigneur, il est purifié de cela. Donc, on peut pas dire que Allah aime. Parce que eux, ils disent, si tu dis que Allah aime, c'est comme si tu compares Allah à des êtres humains ou à des créatures. Donc, ils refusent d'affirmer que Allah aime. Et ils disent que tous les versets ou les hadiths dans lesquels Allah mentionne qu'il aime, ça ne veut pas dire l'amour. Ça veut dire la récompense ou le fait de vouloir récompenser. Et ça, c'est la position de la secte des gens qu'on appelle les Asha'ira. Une secte qu'on appelle Asha'ira. Et leur position, elle est totalement fausse. Pourquoi? Parce qu'on a mentionné déjà que tout ce que Allah a affirmé dans le Coran, de même que ce qui est affirmé dans la Sunna, alors on ne peut pas le nier. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il aimait. Et ça, c'est une chose qui est établie. Et on ne peut pas ramener d'analogie ou de jugement, alors qu'il y a un texte clair et explicite qui établit ce fait-là. L'amour d'Allah, elle est apparente, ses effets sont apparents chez les serviteurs. Et l'être humain, il le ressent en lui-même. Et il le retrouve en lui-même, du fait que Allah ouvre sa poitrine à l'islam. Hein? Il sent que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre sa poitrine à l'islam, dans le sens que il sent son cœur s'ouvrir, hein, à la foi et à la religion d'Allah. Ça, c'est lorsque Allah l'aime. Hein? Il lui illumine son cœur, il lui met la lumière dans son cœur, et il fait que son serviteur aime l'obéissance. Et ça indique que Allah aime cette personne. Et que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de lui. Hein? Il dit que, donc, la position qui est correcte à ce sujet-là, c'est de dire que l'amour, elle est affirmée dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle est affirmée de la part d'Allah pour le serviteur et de la part du serviteur pour Allah. Et la cause unique qui fait en sorte que quelqu'un peut obtenir l'amour d'Allah, c'est le fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans sourate Al-Imran, dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Et il dit: wa bihadha na'rifu anna kulla man ibtada'a fi shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam shay'an min al-ibadat فإن محبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ناقصة ضعيفة ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدعه من البدعة وعكس الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم ونقول لهم إن كنتم صادقين فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن تبتدعوا في دينه فهذا أكبر الطعن فيه وفي كتاب الله أما كونها طعن في كتاب الله فلأن الله تعالى يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم والبدعة يراها مبتدعها دينا وهي لم توجد في القرآن ولا في السنة إذن فالآية غير صادقة لأن الدين لم يكمل أو لم يكمل إلا بهذه البدعة على زعم المبتدع أما كونها طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بأنها مشروعة وإما أن يكون جاهلا لأنه لم يعمل بها قطعا فإن قلتم إنه جاهل فقد صممتموه فقد وصمتموه بالجهل وإن قلتم إنه عالم فقد وصمتموه بالخيانة لأنه لم يبينها للناس لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره فمسائل البدع عظيمة ليست هينة إن كانت البدعة في ذاتها وإن كانت البدعة في ذاتها هينة فإن أثرها عظيم. Donc le cheikh dit, et c'est ainsi que nous pouvons savoir que toute personne qui a innové quelque chose dans la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a inventé dans la religion quelque chose parmi les adorations qui ne fait pas partie de l'islam, alors ça veut dire que son amour pour Allah et pour son messager, elle est déficiente, elle est faible. Et sa déficience et sa faiblesse, elle correspond à l'innovation qu'il a innovée dans la religion et la bid'a qu'il a inventée dans l'islam. Et donc, contrairement à ceux qui disent, nous faisons cette innovation par amour pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous disons, si vous êtes véridique dans votre prétention d'aimer le messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors suivez-le. Mais de prétendre l'aimer alors que vous faites des innovations et des bid'a dans la religion, alors ça c'est une des plus grosses insultes, hein, contre Allah et contre son messager et contre son livre. Et parmi les exemples de l'insulte contre le livre d'Allah, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise dans son livre, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Donc Allah, il mentionne dans le Coran, le verset 3, dans surat Al-Ma'idah, que la religion, elle a été complétée. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Et la bid'a, la personne qui fait la bid'a, elle pense que ce qu'elle fait, fait partie de la religion. Pourtant, ça n'existe pas dans le Coran. Et ça n'existe pas non plus dans la Sunnah. Donc, pour lui, le verset en question n'est pas véridique. Le verset qui dit que la religion a été complétée n'est pas véridique pour lui. Puisque pour lui, la religion n'est pas complétée, puisqu'il a inventé des nouvelles choses qui n'existent pas dedans. Donc c'est comme si la religion n'était pas complète et il fallait qu'il ramène quelque chose dedans pour la compléter. Il dit parce que ça c'est ce que pense l'innovateur, que la religion elle n'est pas complète, même s'il ne le dit pas avec sa bouche. Le fait qu'il invente des choses dans la religion, ça signifie et ça implique indirectement qu'il veut compléter quelque chose qui n'est pas complet dans la religion. Et donc ça c'est une attaque et une insulte, hein, pour le Coran, et c'est une insulte également contre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que soit que le messager sallallahu alayhi wa sallam était au courant que cette innovation était légiférée mais qu'il l'a cachée, ou bien qu'il était ignorant de cette innovation-là. Donc s'il l'a caché, ça veut dire qu'il a trahi la Oumma, parce qu'il n'a pas transmis le message d'Allah. Et s'il l'a ignoré, alors ça c'est une attaque encore plus et une insulte encore plus grande contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que vous l'accusez d'être ignorant. Hein? Donc pour l'innovateur, le mubtadi', celui qui invente des innovations dans la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, il est soit un ignorant ou soit un traître. Nasarullah al-afiya. Et donc ça, c'est le résultat de l'innovation. Hein? Et c'est les conséquences d'affirmer et d'inventer des innovations dans la religion. Et le cheikh dit, des fois, les gens, ils prennent les innovations à la légère. Ils pensent que c'est pas grave. Mais comme on voit les conséquences et les résultats des idées qui sont derrière, eh bien, c'est très grave et très dangereux. Et le cheikh, il termine ce point-là par le paragraphe suivant. Il dit وَلِهَذَا تَجِدُ هَاُولَا الْمُبْتَدِعِينَ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنْ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ أو اتِّبَاعِ الرُّسُلِ تَجِدُهُمْ يَجْتَهِدُونَ جُهْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْبِدْعَةِ لَكِنَّهُمْ مُفَرِّطُونَ كَثِيرًا فِي أُمُورٍ مَشْرُوعَةٍ أَهَمَّ مِنْهَا وَتَأَمَّلْ أَحْوَالَهُمْ تجد ذلك فربما يخرج من هذا المولد ها يخرج من هذا المولد الى القبر يدعوه ويعبده وربما لا يصل إلى هذه الحال ولكنه عنده فتور في الطاعات فنوافله قليلة وصومه قليل وصدقته قليلة كثير النظر إلى المحرم من النساء والمردان وغير ذلك وهذا هو الواقع فكيف تقول إنك ابتدعت هذا محبة لله ورسوله. Donc le cheikh il dit, tu vois que les innovateurs, les gens qui font des bid'a et qui adorent Allah par des innovations, c'est les gens les plus éloignés du suivi du messager. Hein? Tu les vois qui font beaucoup d'efforts pour appliquer et pratiquer les choses qu'ils inventent, qui ne sont même pas qui ont même pas de référence dans le Coran et dans la Sunna. Et tu les vois pourtant qui négligent beaucoup des choses qui ont été légiférées dans le Coran et dans la Sunna et qui sont plus importantes. Et donc, il dit peut-être que tu vas voir que ça, c'est grave pour certains, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein? Certains, tu vois qu'ils vont sortir pour célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la naissance d'un wali parmi ceux qu'ils considèrent être un wali. Et ils vont l'invoquer, ils vont l'adorer en dehors d'Allah. Donc ils font le shirk. Et ça peut même arriver hein, à ce point-là. Ou bien parfois tu vois que dans les actes d'obéissance qui sont obligatoires et les actes surérogatoires qui font partie de la sunna, ils ont beaucoup de manquements et de négligences. Ils jeûnent peu, ils font peu de sadaqat, ils regardent des choses haram. Hein. Ça c'est leur réalité. Puis après, ils font des innovations, puis ils disent, nous faisons cette innovation-là par amour pour Allah et son messager. Comment tu peux faire quelque chose par amour pour Allah et son messager, alors que ça, c'est quelque chose que Allah et son messager ont interdit. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, hein, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui fait dans notre religion, qui invente quelque chose dans notre religion, qui n'en fait pas partie, cette chose sera rejetée. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une pratique qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Hein? Et le hadith dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم il dit, ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunna, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Hein? Et il dit, cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires, avec vos dents molaires, les molaires, celles d'en arrière, les dents d'en arrière qui sont les plus dures, les plus solides. Ça, c'est une analogie, c'est une métaphore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne pour donner l'exemple, pour dire à quel point tu dois te cramponner avec fermeté et avec beaucoup de force, hein, à la sunna. Il dit parce que celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une bid'a, et toute bid'a est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Donc ça, c'est les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça. Et il y a beaucoup d'autres exemples à ce sujet-là. Donc, parmi les innovations, l'innovation des Asha'ira. Des fois, les innovations, ça peut être dans les pratiques de la religion. Des fois, ça peut être dans les croyances aussi. Et les croyances, même, c'est plus grave encore. Les innovations, les bid'a dans la croyance, c'est plus dangereux que les innovations dans la pratique. Parce que de la croyance d'une personne, quand elle est corrompue, il va découler des erreurs dans la pratique par la suite. Et beaucoup de gens qui sont tombés dans l'extrémisme à notre époque, dans la religion, sont tombés dans l'extrémisme à cause de leurs égarements dans la croyance. Comme les Khawarij. ceux qui aujourd'hui font des actes de terrorisme et qui font des attentats puis qui tuent des innocents. Eh bien, leur égarement est parti de quoi? Il est parti de leurs égarements dans la croyance. Parce qu'ils ont considéré que si quelqu'un fait un péché majeur, il sort de l'islam, il devient kafir. Et donc, ils se permettent par la suite de tuer et de faire couler le sang, hein, et de faire tous ces actes, hein, d'extrémisme. Et ils se révoltent contre les dirigeants. Parce qu'ils disent, ah, mais les dirigeants, ils font des péchés, donc c'est pas des musulmans. Donc j'ai le droit de les combattre, j'ai le droit de les tuer. C'est ça qu'ils pensent. C'est comme ça qu'ils ont dévié. Donc la croyance, elle a des conséquences graves, même sur la pratique. Sur les actions. Regardez les koufars, comment ils vivent. La raison pourquoi ils vivent de la façon qu'ils vivent dans leur égarement, c'est parce à cause de leurs fausses croyances. Quand quelqu'un il a des croyances, il croit en l'athéisme. L'athéisme, qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien. Alors comment il va vivre d'après vous? Hein? Il va vivre comme il veut, il va suivre ses passions, il va faire n'importe quoi. Eh bien, c'est parce que la croyance d'une personne a des effets sur son comportement. Et c'est pour ça que la croyance est le plus important dans la religion. Hein? Donc, ça, c'est un point très, très important. Inch'Allah, khair, inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici. Pour aujourd'hui, on continuera au prochain cours la suite, hein, sur ce sujet. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته